jour, il ne pleuvra plus. Le soleil ne brûlera plus. Un jour, je ne t'aimerai plus. Un jour, je ne t'aimerai plus. Moins pourri, les autres feront moins de conneries. Un jour, je ne t'aimerai plus. Un jour, je ne t'aimerai plus. Je ne t'aimerai plus. Ce sera ballot. Le jour où je ne t'aimerai plus. Le jour où je ne t'aimerai plus.